الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc dans le dernier vers, on a fini ce qui était les droits de l'épouse en citant ce qui restait comme règle relative au ta'addud, la polygamie. Donc on fait un récapitulatif des droits de l'épouse cités par l'auteur. أولاً الصداق, la dot. ثانياً الوفاء بشرطها ما لم تحرم حلالاً أو يحل حراماً. De respecter ces conditions. Donc celle-ci n'amène pas à rendre halal ce qui est haram, ce qui est haram, ce qui est halal. ثالثاً معاشرتها بالمعروف. De vivre avec elle de façon convenable. Et il cita des exemples de choses à faire pour que cela puisse se produire. La salaine est affectueux envers elle, jouer avec elle, d'accord, être câlin avec elle, de patienter sur ses défauts, de lui enseigner et de l'éduquer. Non, plutôt, ouais, quatrième et cinquième droit, c'est son enseignement et son éducation. Sixième et septième droit, anafaka wa sukna, la dépense pour elle. Et son hébergement. Tu veux dire, elle dépense un combo mari et c'est lui qui doit héberger sa femme dans le convenable. Thaminan, iza talakaha falaha al-mut'a. Que si jamais il la divorce, elle a droit à al-mut'a. C'est une forme de compensation pour la séparation. Ça, c'est pour le divorce. C'est pas pour le rôle et c'est pas pour celle qui est divorcée. Si, même c'est pour la ba'in. Non, c'est pour le divorce seulement. Le fait de préserver sa chasteté en lui donnant des rapports intimes. Ashiran, le fait de ne pas l'espionner et de penser du mal d'elle. De l'épier. Injustement. Mais surveiller certaines de ses activités, cela est une chose qui est bonne. Là, il parle du fait de l'espionner, de l'épier, du fait d'avoir de mauvais soupçons à son égard. Ou de chercher à voir si tu trahis sans raison. Hadi Ashar. لا يمنعها من الخروج إلى المسجد إذا أمنت الفتنة عليها أو بها. De ne pas l'interdire de sortir pour aller au masjid si jamais elle est préservée des fitnes ou qu'elle ne provoque pas elle-même de fitnes pour les autres. C'est-à-dire que la femme en sortant, qu'elle le veuille ou non, شيطان l'embellit et elle devient une fitna pour les hommes. ثاني عشر إذا سافر وقضى حاجته فيستحب له أن يعجل إلى الرجوع إلى أهله. Lorsque l'homme part en voyage et qu'il a fini ses besoins, il lui recommandait de revenir au plus vite auprès de sa famille. Salis Rachar. Il s'est tazawaja al-bikr al-sayyib akama indaha sab'an, thumma qassama, ou il s'est tazawaja al-sayyib al-bikr akama indaha thalathan, thumma qassam. Si jamais il se marie avec une femme bikr, alors qu'il est déjà marié avec une sayyib, alors il doit rester avec la bikr pendant 7 jours d'affilée. Et s'il se marie avec une sayyib, alors qu'il est déjà marié avec une bikr, alors il reste avec la sayyib 3 jours. Ensuite, là, il parle de la polygamie, qu'il faut être juste envers les épouses. On avait dit que cette justice se faisait dans les dons, les cadeaux, ce genre de choses. Les besoins, c'est autre chose. Et également que cette justice ne comprenait pas les sentiments, même les rapports intimes. Ça, c'est une chose qui n'est pas sous le contrôle de l'homme. Que chacune doit avoir son logis indépendant. Qu'il a droit, qu'il doit être juste et équitable dans le partage des nuits. Kazalik, que même si sa femme, elle a ses menstrues, qu'elle est malade, pareil, elle a droit à son jour. Dans la polygamie. Et qu'il est permis à la femme de se désister d'un jour pour le donner à une de ses co-épouses si le mari l'accepte. Qu'il est conseillé à l'homme de rendre visite à ses femmes lorsqu'il est polygame. Même dans la journée, il peut rendre visite, cependant il ne le touche pas. Celle dont ce n'est pas le jour, il ne le touche pas, il n'a pas de rapport avec elle. Sauf si sa co-épouse, celle dont c'est le jour, lui permet. Également, s'il voyage avec une de ses femmes, il doit le faire par tirage au sort. Et une fois qu'il revient de voyage, il n'a pas rattrapé les jours qu'il a passés avec elle, lors du voyage. Sauf si ce voyage l'a concerné elle, qu'il est parti pour elle, pour ses raisons à elle, maladie, visite ou quoi, alors là il rattrape. Mais s'il part pour un voyage le concernant lui, d'accord, et qu'il a fait un tirage au sort, alors il n'a pas à rattraper. Ensuite, on a dit, Hamis Hachar, Hil al-Shajar wal-Khisam bin al-Darratayn ou al-Dara'ir. Qui doit régler les problèmes, les conflits qui sont déclenchés parfois entre les co-épouses. Et Sadis Hachar, on a dit le droit qu'elles ont de l'héritage de leur époux. On a expliqué c'était quoi? Si jamais le mari meurt et qu'il n'a pas d'enfant, la femme a droit au quart. Et si elles sont plusieurs, elle partage ce quart entre elles. Et si jamais il meurt alors qu'elle a des enfants, alors la femme a droit au huitième. Et si elles sont plusieurs, elles partagent le huitième ensemble. Non. Donc maintenant, on rentre dans le dernier chapitre, Inch'Allah, on va finir aujourd'hui, qui est Al-Hukuk Al-Mushtarika Bayna Zawjayn. Maintenant, ce sont les droits communs. Les droits communs des deux conjoints, l'un envers l'autre. Vous allez voir que certains de ces droits, en réalité, sont les droits communs des musulmans entre eux. Ce n'est pas forcément spécifique aux mariés, d'accord, mais cela les concerne également. طيب يقول اولا ان يعين كل واحد منهما الاخر على البر والخير, que chacun des deux doit soutenir l'autre dans le bien et dans l'obéissance, comme قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان, entraidez-vous dans l'obéissance et la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et l'animosité, la transgression. Donc ça, c'est de façon générale. Les musulmans entre eux, ils s'entraident dans le bien. Et selon Abu Huraira, radiallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui s'est levé la nuit pour faire la salat, puis qui a réveillé son épouse afin qu'elle en fasse de même. Et que si elle refuse, qu'il humecte son visage avec un peu d'eau, c'est-à-dire des petites gouttes d'eau, légèrement. Et qu'Allah fasse miséricorde à une femme qui se lève la nuit pour faire la salat et qui réveille son époux et qui réveille son époux. Et si elle refuse, elle agit de même en humectant son visage avec de l'eau. À contre la tambih, c'est la salade de nuit qui se fait, elle se fait chacun indépendamment de l'autre. Ils ne font pas salade de nuit en groupe. Ce n'est pas une sunna de faire salade de nuit en groupe, à part pour Tarawih. Et parfois pour l'enseignement, comme l'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Ibn Abbas, ou certains sahaba qui l'ont vu faire salade, qui sont venus derrière lui. Ça, c'était à des occasions. Donc si ça arrive une fois, deux fois, cela est valable. Cependant, si la femme fait Qiyam al-Layl, elle le fait toute seule. Et si l'homme fait Qiyam al-Layl, il le fait tout seul. Ce n'est pas une sunna que l'homme fasse salat avec sa femme derrière lui, salat surrogatoire de nuit. ثم يقول ثانيا كل يكرم أهل الآخر ويبرهم أو يبرهم, que chacun doit honorer sa belle famille. L'homme honore la famille de son épouse et l'épouse celle de son époux. فالمرأة تحسن إلى أهل زوجها لا سيما أبويه تكرمهم فإن ذلك إحسان وإكرام إلى زوجها ويسر الزوج وأهله بذلك الإكرام والإحسان فيأمر الأبوان ابنهما بإمساك أهله وإكرامها. Donc la femme doit être bienfaisante envers ses beaux-parents, car cela est une forme de respect pour son époux et également pour l'époux envers ses beaux-parents, et cela également aide à entretenir de bonnes relations entre les familles. Tout comme il revient aux parents d'ordonner à leur enfant d'honorer leur époux. C'est-à-dire les parents de l'époux de l'homme l'incitent à bien se comporter avec son épouse et vice-versa. Que les beaux-parents, c'est-à-dire les parents de l'épouse, également incitent leur fille à rendre les droits à son époux. Il cite en exemple l'histoire d'Ibrahim a.s. qui, après avoir laissé sa femme et son fils Ismaïl dans le désert, sous l'ordre d'Allah Azzawajal, là où Zemzem surgit et qui est Mecca aujourd'hui, par la suite Ibrahim revint longtemps après, une fois que Ismaïl était déjà grand et marié. Il est venu en visite à son fils. Donc il s'est rendu à sa maison, à sa demeure. فَسَأَلَا إِمْرَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيَاتِهِمْ فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فأكري عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابي. Donc Ibrahim عليه السلام s'est rendu auprès d'Ismaïl à sa maison, mais il ne l'a pas trouvé, il était absent. Donc il a trouvé son épouse, il lui a demandé où Ismaïl. Elle a dit il est sorti, elle est chargée de la subsistance pour nous, il est parti chasser. Puis de là, Ibrahim s'en est enquéri de leurs nouvelles. Comment vivez-vous? Qu'en est-il? Et elle dit, nous sommes dans le mal. Nous sommes dans la dureté et dans la pauvreté et dans la disette. Et elle se plaint auprès de lui. Après, Ibrahim, il a dit, si Ami Ismaïl y revient, passe le salam de ma part, sans dire qu'il était son père. D'accord? Il n'a pas précisé qu'il était son père. Et dis-lui qu'il change le seuil de sa porte. Dis-lui qu'il change le seuil de sa porte. Donc, lorsqu'Ismaïl est rentré chez lui, kennaou, anasa shay'an, c'est comme s'il avait ressenti quelque chose. Donc, il a demandé à son épouse, est-ce que quelqu'un est venu? Elle a dit, na'am. Un homme est venu. Un homme âgé de telle et telle apparence. Il a demandé à ton sujet. Et il a demandé de quelle façon nous vivons. Donc je l'ai informé des difficultés que nous rencontrons. Qal fahel awsaki bishay, est-ce qu'il t'a recommandé quelque chose? Qalat na'am. Amarani an aqra alayka as-salam wa yaqul ghayr 'atab babik. Il a dit que je te passe le salam de sa part et il t'a demandé de changer le seuil de ta porte. Donc là, Ismaïl a dit, c'était mon père, Ibrahim. Et il m'a ordonné de te divorcer. Donc retourne auprès des siens, et il a divorcé. Puis il s'est marié avec une autre. Et il a passé un temps avec elle. Puis Ibrahim, alayhi salam, revint pour lui rendre visite. Mais Ismaïl, une fois de plus, était absent. Donc Ibrahim, comme avec la première épouse, il a frappé à la porte, il a passé le salam. Fasa'ala zojata. Où est-ce que Ismaïl était? Elle a dit pareil, il est parti chercher la subsistance pour nous. Fasa'ala anishihim wahiyatihim. Et pareil, il a demandé comment vous vivez, dans quelles conditions. Elle a dit, nahnu bikhayr, wa sa'atin, wa asnat ala Allah. Faqala ma ta'amukum, qalat al lahm. Qala fa ma sharabukum, qalat al ma. Qala Allahumma barik lahum fil lahm wal ma. Donc après, il a demandé, non, plutôt elle a informé que nous sommes dans le bien, alhamdoulillah, et nous sommes dans les largesses. Puis elle a fait les éloges d'Allah Azzawajal. Et Ibrahim lui a dit, de quoi vous vous nourrissez? Elle dit, de viande. Et de quoi vous vous abreuvez? Elle dit, d'eau. Et de là, Ibrahim lui a fait un dua. Que Allah mette la baraka dans leur viande et dans leur eau. Puis, il a dit, si Ismaïl revient, passe le salam, wa kulli lahu, an kulli lahu, an yusabbit, atabat babi. Et si Yami Ismaïl revient, passe le salam de ma part et dis-lui qu'il conserve le seuil de sa porte. Donc, lorsqu'Ismaïl est revenu, il a senti comme si quelque chose s'était déroulé une fois de plus. Il a dit, est-ce que quelqu'un est venu? Sa femme lui a dit, oui, un homme est venu, de belle apparence, un homme âgé, mais de belle apparence, charismatique et autre. Il a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a passé le salam et il m'a demandé de quoi nous vivons. Et je lui ai répondu que nous vivons dans le bien, les largesses, nous mangeons de la viande, et ainsi de suite. Et Ismaïl lui a dit, est-ce qu'il t'a dit autre chose? Il a dit, conserve le seuil de ta porte. Là, Ismaïl l'a dit, c'était mon père qui est venu. Et il m'a dit de rester vivre avec toi. Naam. Dans ce hadith-là, on voit beaucoup d'enseignements, dont le fait que la femme qui se plaint, d'accord, ce n'est pas une bonne chose. Et se plaindre auprès des beaux-parents également n'est pas une bonne chose. Surtout quand c'est une plainte qui en réalité demande juste de la patience et qui n'a pas vraiment de mal derrière. Surtout qu'Ismaïl faisait des causes pour respecter son épouse et lui rendre son droit. Chose qui ne demande pas de répondre par des plaintes auprès du père. Même si elle ne savait pas que c'était son père, quoi qu'il en soit, justement, c'est pire encore. Elle s'est plaint auprès d'un inconnu. Ce qui est d'autant plus grave. Elle ne savait pas que c'était le père d'Ismaïl. Donc un inconnu, il vient, il demande sur ton couple et toi, tu te plains. Donc ça amène à quoi? À une mauvaise opinion au sujet de cette femme. Donc là, Ibrahim... Des fois, je confonds, je dis Ismaïl, je veux dire Ibrahim. Attention, des fois, je suis à l'absus sans m'en rendre compte. Vous avez compris dans l'histoire que Ibrahim, c'est le père, Ismaïl, c'est le fils. Donc là, Ibrahim n'a pas vu cette femme comme étant appropriée pour son fils. Donc, il a demandé qu'il la divorce. Quant à la deuxième, masha'Allah, elle a eu un bon comportement, elle était positive, hein, elle a fait des éloges, alors qu'en réalité, il n'y avait pas de différence entre elle et la première dans le mode de vie. Cependant, peut-être que la première était plus exigeante, moins patiente, et ce qui s'ensuit. Et donc, de là, Ibrahim a apprécié le comportement de la deuxième épouse, et de là, il a incité son fils à la garder auprès de lui. Naam. Donc ça, c'était le shahid par rapport au fait que les époux doivent respecter leurs beaux-parents, autant que possible. Après, on sait que des fois, il y a des problèmes, les beaux-parents ne sont pas droits, les beaux-parents font, surtout entre les belles-mères, la belle-mère et la belle-fille, souvent il y a des problèmes, c'est vrai. À ce moment-là, faut patienter autant que possible, d'accord? Et ne pas aggraver la situation, éviter les mauvaises paroles, quitte à ce que le mari évite les rencontres autant que possible. Quoi qu'il en soit, tant que cela n'a pas lieu, essayer de rendre le plus grand respect possible aux beaux-parents. Et cela fait plaisir à l'époux comme à l'épouse. Thalithan, ala yadur ahaduhuma al-akhar wa la yu'zi, que aucun des deux ne porte préjudice à l'autre, ni ne lui le nuit. C'est-à-dire que les époux ne doivent pas se faire du mal, communément. Ça, c'est une chose qui est évidente. Comme a dit Ta'ala, la tudar walidatun biwaladiha wa la mouludun lahu biwaladi. Que il n'a pas à faire subir de dommages à la mère pour son enfant, et ni le père pour son enfant. Wa qala ta'ala, askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wa la tudaruhunna litudayyiqu alayhinna. Ne cherchez pas à leur nuire, c'est-à-dire à la femme. Là, il parle à propos de celle qui est divorcée en plus. Donc, ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Donc ça, c'est pour la femme qui est en idda, qui est en période de viduité. Alors, que dire de celle qui est ton épouse de base? À plus forte raison qu'elle devra être respectée. Donc, il n'est pas permis à l'époux de nuire à son épouse, et ni l'épouse à son époux. Par les mauvais comportements, par les mauvaises paroles, par les manigances, par l'espionnage, par les mauvais soupçons, par le manque de respect, et ainsi de suite. Toutes les formes de choses qui portent préjudice. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Que le muslim, c'est-à-dire véritable muslim, c'est celui dont les autres muslims sont à l'abri de sa langue et de sa main. Donc ça, c'est valable également pour les époux. يقول رابعا يتجمل وتزين كل واحد منهما للآخر. Que chacun doit s'embellir pour l'autre. Que chacun doit chercher à s'embellir pour plaire à l'autre. La femme envers l'époux et l'époux envers sa femme. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. Que Allah est beau et aime la beauté. Allah est beau et il aime la beauté. وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ô fils d'Adam, prenez vos parures pour vous rendre au masjid et buvez et mangez sans gaspiller, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Donc là, à la base, ce verset est venu. En réalité, le vrai sens de base, c'est pour couvrir sa aura lors de la salat. Ça, c'est le sens particulier spécifique. Et le sens général, il est général. Que on s'habille correctement, et principalement pour aller à la mosquée, une façon correcte, d'accord ? Et même en toute occasion. Le muslim reste d'une apparence qui est propre, autant que possible. Là, c'est de façon générale. Donc, quand le Ta'ala, voilà... وَلَا يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. Et que la femme ne doit pas faire apparaître ses parures à autre que son époux. Donc les parties les plus belles qu'une femme puisse avoir, et qui sont dans ses parties intimes spécifiques, parce que les parties intimes générales, certaines peuvent être vues par les femmes, sans pourtant les exposer volontairement, mais le reste, d'accord, elle ne le montre qu'à son époux. Donc il est permis à la femme, même d'avoir des vêtements qui laissent montrer son corps pour plaire à son époux. Tant que cela ne rentre pas dans les choses qui sont spécifiques au kuffar. D'ailleurs, le Cheikh Abdelhamid, Hamzallahu Ta'ala, il y a une fatwa dans laquelle il dit qu'il est permis à la femme de porter de la lingerie. Donc là, tout ce qui est relatif aux vêtements, que la femme également, elle doit s'habiller de façon légiférée et l'homme de façon légiférée. Même à Nazarik, Mathalen, que l'homme ne porte pas de vêtements qui soient propres aux femmes et ni la femme des vêtements qui soient propres à l'homme. Elle n'est pas les vêtements de son époux. Quand ce sont des vêtements qui sont propres aux hommes. Car ça, c'est une chose, c'est aujourd'hui, c'est une notion qui était perdue. La femme va mettre les vêtements de son mari de temps à autre, mais sans prendre en considération que ces vêtements sont les vêtements d'hommes en particulier de base. D'accord ? Donc ça, il faut faire attention et ne pas se laisser aller. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Allah al-mutashabbihin bin nisa bin rijal wa al-mutashabbihat bin rijal bin nisa, que Allah a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes, qui cherchent plutôt à ressembler aux femmes, et qu'il a maudit les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Et quand on dit aux cherches, même s'ils ne font pas exprès, qu'ils font des actes en portant les vêtements des uns des autres ou prenant les manières des uns des autres. Tout comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha bikum fa huwa minhum, que celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Donc il n'est pas permis à l'homme de porter des vêtements spécifiques aux kuffars et la femme également des vêtements spécifiques aux kuffars. Après, dans les vêtements, il y a des choses qui sont communes à tout le monde, qui sont dans les coutumes du pays à prendre en compte, que les femmes portent de façon générale. À ce moment-là, il est permis à la femme de le porter. Et pour les hommes, pareil. Il y a des vêtements qui sont généraux, qu'il est permis à l'homme de porter. Ça ne rentre pas dans la ressemblance au kuffar. Par exemple, une masala qui a souvent été évoquée, c'est celui, par exemple, du piercing nasal, masala dans le nez. On avait demandé la fatwa de Mashir au Yémen. Certains voyaient que ce n'était pas permis. Et d'autres frères nous ont fait profiter d'une fatwa de Shir, Abdul Mohsin al-Abbad, dans laquelle il disait que si jamais c'est une coutume des femmes du pays, c'est comme le fait de se faire percer les oreilles. Donc il a dit, ça rentre dans les périodes de la femme, que cela lui est permis. D'accord ? Si dans le pays, les femmes ont pour coutume de faire cela, alors ça rentre dans les coutumes du pays général, et là, il est permis à la femme de la faire. Tout comme elle se fait percer les oreilles, également. Tout comme des fois, elle peut se faire percer deux fois une lobe d'oreille, et ainsi de suite. D'accord ? Après, il y a des choses qui deviennent extravagantes, et certaines qui sont des choses qui sont communes. Ça, c'était en titre d'exemple. Et bien sûr, la femme, il lui permet de porter des bijoux, en or et en argent, pour s'embellir. Quant à l'homme, lui, il ne porte pas de bijoux. Car porter des bijoux, les ulama disent que cela revient à ressembler à la femme. Ni ne porte de bracelet, ni ne porte de collier, ni les gourmettes, ni rien du tout. Ce qui lui est permis, c'est une bague en argent ou en fer. Quant aux bijoux, l'or est interdit aux hommes. D'accord ? Par contre, il est permis pour la femme. Tout comme il est interdit aux hommes de porter de la soie, alors qu'il est permis pour la femme. Donc les hommes ne portent pas de bijoux. Il y a même eu un khilaf avec certains ulémas par rapport à la montre. Il y a des ulémas qui disent que la montre, ça ressemble à un bracelet. Même si on sait que la montre, à la base, n'est pas une parure. Mais aujourd'hui, des montres, en réalité, sont devenues plus des bijoux que des outils pour savoir l'heure. Quand on voit le prix d'apparence, les ulémas disent que ça rentre dans la parure. Et une chose qui vient au poignet de la sorte, cela est une chose qui est spécifique aux femmes, comme les bracelets. Donc certains ont vu que porter une montre pour les hommes n'est pas permis à cause de cela. Ça, c'est une masala divergence. Et la plupart des savants voient que cela est permis. Quoi qu'il en soit, on incite les frères, même s'ils portent des montres, à ne pas faire preuve d'abus dans les montres qu'ils portent. D'accord? Que cela reste toujours dans la limite du raisonnable et qu'une montre à la base n'est qu'un objet qui indique l'heure. Et non pas un bijou ou une parure en soi. Il y a une masala que l'auteur il a citée. Lui, il est d'avis que le maquillage est interdit pour la femme. Car il voit que cela porte nuisance à la santé de la femme. C'est son avis à lui. C'est également l'avis de Cheikh Mokbel, rahimahullah ta'ala. Et aussi, il faut savoir qu'une chose, c'est qu'au Yémen, les femmes, quand elles se maquillent pour les occasions, le mariage ou autre, c'est un maquillage qui est autre que celui des femmes d'Occident. On en témoigne. C'est un maquillage qui est abusif. Vraiment abusif. C'est presque comme de la peinture. D'accord? C'est pas une chose qui est discrète ou quoi. C'est vraiment abusif. Et en réalité, d'autres ulama, comme Lajna al-Da'ima, Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Thaymin, d'autres parmi les grands savants voient qu'il est permis à la femme de se maquiller, car à la base, dans les choses de la dunya, c'est la permission. Tant qu'on n'a pas une preuve qui l'interdit. Et tant que ce maquillage également n'est pas un maquillage qui est en lui-même porte, qui nuit à la peau de la femme directement. C'est-à-dire que ça lui cause des choses, non pas parce que cela dure, mais du fait, par exemple, à peine elle mettrait le maquillage, cela lui cause des allergies, cela lui cause des creux, ou je ne sais quelle autre nuisance à la peau. Il y a des maquillages qui ont été reconnus comme étant très nocifs pour la peau. Et également, cette nocivité, elle est due au fait que la femme se maquille tout le temps. Là, ce n'est pas le but, c'est qu'elle se maquille de temps à autre, pour plaire à son mari, ou pour des occasions entre femmes, sans que cela ne soit abusif, et que ce soit une façon de se maquiller à la manière des perverses. Donc il est permis à la femme de s'embellir pour son époux. Et d'ailleurs, c'est un tenbih qu'on fait pour beaucoup de sœurs qui vont faire des grands efforts lors des assemblées pour des célébrations, mariage, walima, invitation, l'Eid entre femmes, prendre les plus beaux vêtements qu'elles puissent trouver, se maquiller, s'embellir. Mais par contre, pour l'époux, elle le néglige, elle n'agit pas de la sorte avec lui. Alors qu'à la base, l'époux est plus en droit de voir sa femme belle. Et on avait dit expliqué, comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, « Khilun nisa, amt, allati izé nazarta ilayha asarratk, ou izé amartaha ata'atk. » La meilleure des femmes, c'est celle que lorsque tu la regardes, elle te réjouit, elle te plaît. Lorsque tu lui ordonnes, elle t'obéit. Donc, le mari est plus en droit de voir la beauté de sa femme que quiconque. Et d'ailleurs, il s'est marié avec elle, pourquoi ? Et pourquoi elle a fait une khidba ? Parce qu'elle lui plaît. D'accord ? Parce qu'elle lui plaît. Donc que les femmes ne lésinent pas à chercher à plaire à leur époux. Dans les moyens qui sont légiférés et permis. Il y a parmi les façons de s'embellir connues de la sunna, le kohl, le noir, qu'elle met autour des yeux. C'est une chose qui est connue. Et ça, c'est un embellissement prophétique. Et également, il renforce le regard. Ça renforce le regard. Puis, il y a des moyens d'embellissement que les femmes aujourd'hui utilisent beaucoup, qui ont été interdits. Qui ont été interdits. Masalan, comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Allahu al-wasila wal-mawsula. Que Allah a maudit le mawsula. La wasila et le mawsula, c'est lesquels? C'est des femmes qui mettent des rajouts dans leur tête. Des faux cheveux. Que ce soit des perruques ou des rajouts. Ça, malheureusement, on le trouve beaucoup chez nos sœurs noires. D'accord? Cette pratique-là est plus fréquente chez les femmes noires. Et certaines sœurs, malheureusement, malgré qu'elles se soient mises dans la religion ou quoi, beaucoup d'entre elles n'ont pas laissé cette coutume. Et celle-ci, elle est mauvaise. C'est parmi les grands péchés. Car là, elle s'expose à être maudite par Allah Azzawajal. Et il en est de même pour la perruque. Pour ceux qui mettent des perruques. Donc, ni elle le fait pour son époux, ni pour personne. C'est une chose qui n'est pas permise. Donc, on a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Allahu al-wa'ashimat wal-mautashimat wal-mutanassimat al-mutafallijat lil-husn al-mughayyirat khalqallah. Selon Ibn Mas'ud, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah a maudit celles qui se font tatouer et celles qui se tatouent et celles qui s'épilent les sourcils et celles qui s'écartent les dents pour s'embellir. De ce hadith, notre cher Abdelhamid a dit qu'à la base du tatouage, de base, le tatouage était une coutume chez les femmes. Chez les Arabes, comme le prouve ce hadith. Ce sont les femmes qui se tatouaient, pas les hommes. Donc il a dit, aujourd'hui, ceux qui se tatouent, et c'est une grande mode aujourd'hui, c'est une grande fitna, c'est des tatouages. Que seul homme qui se tatoue, il aura enfreint deux interdits. Awalen, la malédiction pour s'être tatoué, ou plutôt, voire même trois interdits. La malédiction de s'être tatoué. Deuxième chose, d'avoir changé la création d'Allah Azzawajal sur son corps. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, qu'en fait, c'est une ressemblance aux femmes. Car à la base, le hadith dit bien que c'est les femmes qui se tatouaient, pas les hommes. Aujourd'hui, les jeunes ne savent plus cela. Ils ont toujours été habitués à voir que c'était les voyous, les loubards à l'ancienne. D'accord? Après, c'est devenu une mode, maintenant tout le monde se tatoue. Avant, c'était une forme de rébellion. Les gens qui étaient tatoués étaient très mal vus. Vus comme des hors-la-loi, ce genre de choses. Maintenant, c'est devenu la mode. Tout le monde se tatoue. C'est devenu même de l'art. D'accord? C'est une fitna pour beaucoup de gens. Et quoi qu'il en soit, c'est une chose qui est interdite en religion. Et d'ailleurs, les ulama disent celui qui s'est fait tatouer et qui est en mesure de se faire retirer le tatouage, qu'il le fasse. C'est un conseil. D'accord ? Pour ne pas le garder. Sans compter ceux qui se sont fait tatouer, tasouir des images d'êtres figurés, d'êtres humains, des êtres humains ou des animaux. Car tu seras constamment privé de la présence des anges de la miséricorde à cause de cette image qui est avec toi, où que tu sois. Faut que tu sois, cela est collé à toi. Donc, si jamais tu peux faire l'effort de retirer ce tatouage, ne serait-ce qu'au moins la partie de la tête, si jamais c'est trop douloureux ou trop onéreux, au moins la tête de l'image. Au moins, cela minimisera les dégâts. Donc, il dit que cela revient à changer la création d'Allah Azzawajal. Se tatouer, s'épiler les sourcils et s'écarter les dents. C'est une chose que les femmes faisaient auparavant. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit encore d'actualité. Auparavant, on faisait cela, s'écarter les dents pour s'embellir. C'est une chose qui plaisait aux hommes. Par contre, tembih, porter un appareil dentaire, cela ne rentre pas dans ce sujet-là. Ça, c'est l'appareil dentaire, c'est une chose qui redresse un défaut. C'est autre chose. D'accord? Les ulama disent que porter un appareil dentaire, cela est permis. Par contre, il y a également cette mode maintenant de porter un appareil dentaire sans raison. Porter des bagues. Alors là, fut un temps qu'on était jeunes, nous, quand ça a commencé, adolescents, au collège, les gens avaient honte de porter des appareils dentaires. C'était se moquer d'eux. Aujourd'hui, c'est devenu une mode, subhanallah. Aujourd'hui, c'est devenu même des appareils dentaires colorés. Donc, l'appareil dentaire, s'il est utilisé, c'est pour une correction. Au même titre que des lunettes. D'ailleurs, également, une fatwa qui dit que porter des lentilles de correction, ou plutôt des lentilles de couleur, cela n'est pas permis. D'accord ? Chez l'Ansami, une fatwa, il dit que porter des lentilles de couleur n'est pas permis. Par contre, étrangement, mais pourtant cela vient de la sunna, se teindre les cheveux, cela est permis pour la femme, avec de l'aîné. Ou même des couleurs autres que l'aîné, tant que ce ne sont pas des couleurs extravagantes qui amènent à tachabour bil kafirat, qui amènent à ressembler au kuffar. D'accord ? Ça reste toujours une teinture qui reste permise et en même temps qui reste soft, comme on dirait. C'est pas avec des cheveux bleus, des cheveux vert fluo, des cheveux, voilà quoi. C'est des teintures sobres, mais cela lui est permis. Sauf le noir. Se teindre en noir, cela n'est pas permis. Ni pour les hommes, ni pour les femmes. D'ailleurs, parmi la sunna pour l'homme également, dans son embellissement, qui se teigne la barbe si aimé et commence à avoir des poils blancs. Qui se teigne la barbe. Et également pas en noir. Et c'est comme les cheveux, des couleurs qu'il veut, tant que ce ne sont pas des couleurs extravagantes et qui amènent à la ressemblance au kuffar. Et c'est une sunna que beaucoup d'hommes délaissent, d'hommes délaissent aujourd'hui. On voit beaucoup de barbes grises, alors que la sunna, c'est de la teindre. D'accord ? C'est de teindre la barbe. Donc, à ذلك, min tazayyun al-rajul, par ce quoi s'embellit l'homme, justement, sa barbe. D'accord ? Sa barbe. Quand le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, urful liha, wa kusul shawarib, wa khalifu al-mushrikin, il a dit, contredisez les mécréants. Laissez pousser vos barbes et taillez-vous les moustaches. Donc, la barbe est un embellissement pour l'homme. Et cela, avec une niya d'adoration du suivi de la sunna. Et pas une sunna de ressembler à tel footballeur ou à tel rappeur ou à telle personne. La barbe, si on laisse pousser, c'est pour Allah Azzawajal. Et pour ressembler à ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ressembler aux vrais hommes. Aux vrais hommes, être viril, c'est avec une barbe. Parmi les marques de l'homme viril, de virilité, la barbe. Alors que la femme n'en a pas. Donc de là, un homme qui se rase la barbe aura également transgressé. Un, ressemblance au kuffar. Deux, ressemblance à la femme. Là, c'est pour ceux qui se rasent totalement. Se raser, même tailler la barbe, n'est pas permis. Il y a une divergence par rapport au fait de couper ce qui dépasse une poignée lorsque quelqu'un a une barbe qui est vraiment très fournie. D'accord ? Car il était dit qu'Ibn Omar le faisait. Et malgré cela, cet acte était un ijtihad d'Ibn Omar. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien dit « Ufur loha, laissez pousser les barbes. » Il n'a jamais coupé sa barbe, ni rétréci, ni taillé. Et les sahabas non plus ne le faisaient pas. C'était un acte d'Ibn Omar. Il était dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe tellement fournie que les sahabas de derrière lui, lors de la salat, lorsqu'il récitait, voyaient sa barbe bouger par le mouvement de sa bouche. Ça prouve qu'elle était vraiment imposante. Et Ali, radiallahu anhu, il a dit que sa barbe allait jusqu'à ses épaules, tellement elle était grande et volumineuse. Donc ce qui prouve que ce que Ibn Omar faisait, il n'est venu que lui, si jamais ça avait été une sunna, les autres sahabas le faisaient également. Même Othman, radiallahu anhu, les khawalis se moquaient de lui, tant sa barbe était longue. Et ces gens-là étaient des gens qui étaient le plus proche du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, les grands compagnons. Donc l'acte d'Ibn Omar n'est pas une preuve en soi pour le faire. Donc l'homme, parmi les parures qu'il puisse avoir, c'est se laisser pousser la barbe. Ne pas la toucher. D'accord ? Ne pas la toucher et l'entretenir. Il peut la laver, il peut l'atteindre, ainsi de suite, si jamais celle-ci commence à blanchir. Et pour les malabis, pour les vêtements, de porter ce qui est légiféré. Tant pour la femme que pour l'homme. Et là, on parle des vêtements, bien sûr, à l'intérieur entre eux. D'accord ? Les vêtements intérieurs, extérieurs, c'est connu. Le jilbab, et le fait de se couvrir le visage. Aujourd'hui, les gens ils disent sitar. Ce terme sitar, c'est un terme qui est nouveau, qui n'existait pas chez les gens de la sunna, auparavant chez les salafs. Car le mot hijab, de base, hijab veut dire justement ce qui couvre le visage. Le hijab, c'est pas le simple voile qui couvre les cheveux. Le hijab, c'est ce qui couvre le visage. C'est pour ça que si demain vous allez chez les arabes, vous leur dites sitar, ils ne vont pas comprendre. Fulana tabas sitar. Sitar, là-bas, c'est un rideau. C'est une chose qui couvre, certes, mais ils ne vont pas comprendre. Pour eux, c'est hijab. Tu vas en Arabie Saoudite, tu dis sitar, sauf s'ils sont habitués à voir des étrangers, vous dites sitar, ça n'existe pas. Là-bas, c'est hijab. Ça s'appelle hijab. D'accord ? Peut-être ça, vous allez l'entendre dans les pays du Maghreb, parce qu'ils ont été francisés. Mais en réalité, dans la sunna, dans les kutub, dans le hadith, chercher le mot sitar pour dire ce qui couvre le visage, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Bien que le terme, en lui-même, est correct, parce que ça vient pour voiler le visage, mais en réalité, c'est une terminologie qui est nouvelle, qui n'existait pas chez les salafs et chez les ulama. Ils ne vont pas dire sitar pour dire le visage couvert, ils vont dire hijab. Ou burqa. burqa ou niqab. Le niqab, c'est ce qui coule le visage, qui laisse entrevoir légèrement les yeux. Mais sitar en soi, c'est un thème qui est nouveau. Sachez-le. Et bien sûr, toujours rester propre. Autant que possible et sentir bon. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il aimait le parfum et les femmes. Donc l'homme se parfume autant que possible et fait tout pour éviter les mauvaises odeurs. Surtout lorsqu'il rentre du travail ou qu'il rentre du sport ou d'une activité. Et la femme, encore plus. Sauf que la femme, le parfum qu'elle met, elle ne le met que pour l'intérieur. Elle ne sort pas parfumée dans la rue. Et ce qui est adib, c'est qu'aujourd'hui, le parfum des hommes, il est léger. Alors que le parfum des femmes, il est devenu fort. C'est en fait le contraire. Quand le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, « Tibir rijal ma zahra rihuhu wa khafia launuhu. Wa tibir nisa ma khafa rihuhu wa zahra launuhu. » Il a dit que le parfum pour les hommes, c'est celui dont l'odeur est forte et dont la couleur est discrète. Alors celui des femmes, c'est celui dont l'odeur est légère, discrète, qu'on sent à peine, et dont la couleur, elle est forte. Elle laisse des marques. ثم قال خامس عشر. Je crois que c'est le dernier. Le dernier. خامس عشر. يحرم على الزوجين إفشاء ما يجري بينهما حال الجماع. Qu'il est interdit catégoriquement aux deux époux de révéler ce qui se passe dans l'intimité lors de leur rapport. Ils n'ont pas à le divulguer. Ils n'ont pas à en parler. Ce qui se passe entre eux dans le privé, dans l'intimité, cela reste entre eux. Ils n'ont pas à en parler. وَيَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال ونساء قعود عنده فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولا امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم فقالوا أي والله يا رسول الله إنهن ليقولن وإنهم ليقولون قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي الشيطان في الطريق فعشيها والناس ينظرون. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que des gens étaient réunis auprès de lui, des hommes et des femmes, en sa présence, il a dit, il se peut que un homme répète ou divulgue ce qu'il fait avec son épouse, ou qu'une femme divulgue ce qu'elle fait avec son époux. Et les gens ont reconnu, ils ont dit oui, elles le font et également eux le font. Il a dit, ne faites pas cela, car cela est comparable à un shaitan qui rencontre une shaitana, c'est-à-dire un diable qui rencontre une diablesse dans la rue et qui fait ses rapports avec elle et alors que les gens regardent. Wali'azu billah. Ça, c'est un comportement qui est totalement dépourvu de pudeur. Et ça, c'est le comportement des koufars. D'accord? De s'exposer dans la rue. Donc maintenant, les couples en islam, même le fait de s'embrasser dans la rue est une chose qui n'est pas permise en islam. Tout ce qui touche à l'intimité, cela se fait dans l'intimité. D'accord? Se tenir le bras, par le bras, par la main, sauf s'il y a un besoin, la femme voit mal ou quoi. Même ça, c'est une chose qui n'est pas des coutumes des musulmans. Par contre, les hommes entre eux se tiennent la main. Les sahabas se tenaient la main. Mais un homme avec sa femme qui marche dans la rue se tenant la main, ça c'est une chose qui n'est pas des coutumes des musulmans. Non. Ça, c'est une chose qui est nouvelle, qui était prise des gens d'Occident. Ça n'était pas connu chez les arabes auparavant, chez les salafs. Dans la rue, devant tout le monde. Sauf s'il y a une raison pour cela. La femme, elle voit mal, ou elle est malade, ou il y a un problème. Sans quoi, c'est juste par amour, par romantisme. Et ce romantisme, on sait que, de base, c'est une chose qui s'oppose aux valeurs de l'islam. Quand on regarde bien, c'est quoi le romantisme? Alors, dans la rue, devant tout le monde, cela ne se fait pas. Et encore moins, des bisous et des câlins. Discrétion. Ce qui est intime, reste intime. Ce qui est intime, reste intime. Et dans l'intimité, alhamdoulilah, le couple, peu, mashallah, ça donne à beaucoup de choses. Et une fois qu'ils sont dehors aux yeux des gens, ils se retiennent, ils font preuve de retenue. Non. Donc voilà en gros ce qu'on a appris de ce kitab. Tayyib, en espérant qu'il sera utile pour la Ummah. On l'a beaucoup résumé, hein. Il y a beaucoup de passages que l'auteur a cité, des recherches, des questions à divergence, des questions où il analysait l'authenticité de certains hadiths. D'accord? Et certaines questions que, aujourd'hui, ne sont quasiment plus, on va dire, trouvables dans les communautés et dans les sociétés. Donc, on les a évitées pour résumer. On pense que ce qui a été dit est l'essentiel. Maintenant, ce qui incombe à chacun, homme comme femme, c'est d'appliquer autant que possible pour que les droits soient respectés et tenter de trouver une baraka dans le couple. D'accord. Trouver une baraka dans le couple, afin que cela perdure le plus longtemps possible et éviter les séparations et les divorces. Bien que le divorce reste permis en cas de réel besoin, mais reste le dernier recours. Quand tout a été mis en place pour tenter de sauver les couples, et encore plus les couples qui ont des enfants, car les enfants sont les premières victimes des divorces, sont les enfants. Ils sont exposés à être perdus, sans leurs deux parents, ce qui leur donne un équilibre. Donc on encourage les couples qui ont des enfants de s'efforcer à rester ensemble autant que possible. Tant qu'il n'est pas une chose gravissime, une trahison majeure ou une déviance dans la religion ou autre, tentez de patienter le plus possible, ne serait-ce que pour l'intérêt de vos enfants. C'est très important. D'accord ? C'est très très important. Naam. Fa naktafi bi dhal qadr. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.